Mais aussi, là, dans les dernières semaines, j'ai commencé à retomber un petit peu dans les motifs, là. Ça arrive des fois, je ne suis pas encore sorti là, de l'émotionnel. Justement, j'ai réécouté l'entrevue de M. Desroches, là, étant donné qu'il est décédé récemment, puis il parlait de sortir de l'émotionnel. Puis je me rends bien compte que je ne suis pas tout à fait sorti de ça. De toute façon, c'est plus de transmuter ce système-là, plus que d'en sortir totalement, là. Ça prend de l'énergie au niveau du psychique. C'est juste la différence entre être de pas être barouetté par nos émotions, puis d'être capable de s'en servir au sens d'énergie pour transférer ça dans d'autres structures. Donc, mais prenez par exemple, là, quand on ramenait à trois principes, l'intelligence, le vital, l'émotionnel. S'il y a de l'émotionnel dans le mental, ben on perd du vital. Puis, par contre, s'il y a du mental dans l'émotionnel, on brise des formes, puis on regagne de l'énergie. Mais c'est des mécaniques très subtiles, c'est difficile, on ne les voit pas tout le temps. Puis,